La philosophie est maintenant, aujourd'hui, la morale ou comment et pourquoi agir moralement dans un monde fait d'émotions, de violence et de guerre. Vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey, it's time to get up. Time to change the world cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstars. À Paris, en France, comme dans la Rome antique, imite le maître, maître le mythe comme Spartacus, limite le maître qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad, le bien, le mal. Bonjour Monique Cantos-Ferber. Bonjour. Ouais. Vous êtes philosophe, directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École normale supérieure, présidente fondatrice de l'Université Paris Sciences et Lettres, auteur de plusieurs ouvrages de philosophie antique et de philosophie morale contemporaine. Vous en avez un certain nombre sous vos yeux. Alors je cite le plus récent, « Sauver la liberté d'expression » qui est paru aux éditions Albin Michel il y a un an. Pour ouvrir cette émission sur la philosophie et maintenant la philosophie face à la morale, est-ce que vous pourriez dire que l'époque est très morale, c'est-à-dire très attachée à certaines valeurs, à une soif de justice, de transparence, d'éthique, ou plutôt immorale et plutôt vouée à des antivaleurs comme l'individualisme, la violence, les inégalités ? L'époque est évidemment très morale. Il y a une sorte de conscience générationnellement marquée des préoccupations morales. Ça, c'est une caractéristique qui s'est diffusée depuis une dizaine d'années. On le voit bien avec l'attention portée au phénomène de domination, toutes ce que peut cacher des habitudes que nous avons de nous exprimer, de considérer les choses. Alors, il a été évidemment facile pour beaucoup de disqualifier tout ça sous le nom global d'insupportable wokisme, mais il est vrai que dans ses excès, rien ne peut justifier cela, mais en même temps, cela témoigne d'une intention, d'une lucidité très forte apportée à la question de la domination entre les sexes, entre les races et autre chose. Donc ça, c'est un des signes qui montre que la morale est extrêmement présente dans notre culture actuelle. La différence est assez nette de ce point de vue-là avec ce qui se passait dans les années 90, puisque début des années 2000, j'avais publié à l'époque un état des lieux de la philosophie morale où j'insistais sur le fait que, au fond, le terme éthique servait à tous aseptiser. Oui. Quelle que soit l'activité, il suffisait d'apposer le qualificatif éthique pour que, d'une certaine façon, comme dans une captatio benevolentiae, on ait tendance à en penser du bien. Alors ça peut être, en effet, achat éthique, parfum éthique, etc. Alors parfois ça se rapportait à des pratiques de production qui étaient en effet beaucoup plus vertueuses que ce qu'on pouvait trouver avec d'autres produits, mais dans la plupart des cas, c'était quand même un élément de marketing qui était tout à fait en vogue et qui avait beaucoup de succès. Donc c'est toujours présent, mais il y a une préoccupation très générationnellement marquée de débusquer toutes les formes de la domination, qui a évidemment ses très bons aspects, mais qui a aussi de très mauvais aspects, en tout cas des conséquences fâcheuses, parce que parfois ça tourne quand même à une sorte de moralisation, et je dirais même à une volonté de ramener tout le monde dans le droit chemin. Et vous voulez, notre culture a peut-être tendance à oublier la différence majeure qui existe entre les actes et les propos, et les pensées. Et entre l'éthique aussi et la morale, c'est-à-dire que la morale, on a toujours tendance à la concevoir comme une forme de moralisation avec des principes extérieurs qui vont s'imposer, ou alors que l'éthique, on va la concevoir comme une pratique qui va émaner de l'individu, qui va conformer en fait ses pensées et ses actes à un vivre ensemble, à un certain nombre de règles, mais qui vont émaner, c'est une adaptation qui va émaner de l'individu. Est-ce que c'est ce passage des années 2000 avec un tout éthique à maintenant une morale prédominante qui marque aussi ce glissement? En partie, oui, mais pas seulement, parce que pour en revenir à la différence entre les actes, les pensées, d'une part, les pensées et les propos, d'autre part, vous voulez, les actes doivent être, évidemment, sont susceptibles d'être incriminés, sont susceptibles d'être punis par la loi, et certaines limites ne doivent pas être dépassées. Ça fait partie de toute la facture normative, la construction normative de notre monde. Mais en revanche, les pensées sont libres et les propos sont libres dans les limites que définit la loi. Or aujourd'hui, on a tendance un petit peu à considérer que non seulement il faut agir de manière légitime et conforme, enfin sans délit et sans crime bien évidemment, mais sans discrimination et tout ce à quoi notre époque est particulièrement attachée, mais en même temps il faut penser droit. Et d'une certaine façon, je regrette que cette conscience de la morale qui est caractéristique d'aujourd'hui tente à quasi criminaliser la provocation, la transgression ou simplement la différence de vue. Il y a parmi nous, et c'est une bonne chose parce que les sociétés sont diverses, des gens qui sont progressistes et d'autres qui sont réactionnaires. Les vues réactionnaires, les points de vue réactionnaires, tant qu'ils ne se traduisent pas par des actes qui sont contraires aux lois, doivent être tolérés. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cet excès de morale a pour contrepartie une certaine volonté de contrôle des opinions et des pensées qui est tout à fait fâcheuse. Alors, pour en revenir à votre question sur l'éthique et la morale, qui est tout à fait fondamentale, certains contestent la pertinence de cette distinction, d'autres au contraire la trouvent tout à fait fondée. La morale est traditionnellement entendue comme une conception du juste, une conception des devoirs, donc quelque chose qui se ramène plutôt à la rectitude des actions, à la pensée normative, tandis que l'éthique, et ça cela vient de la racine grecque éthos, le caractère, l'éthique est beaucoup plus est souvent rapportée à l'idéal du bien vivre, de la bonne vie, des bonnes finalités humaines. Donc la morale beaucoup plus marquée par la présence des règles, l'éthique beaucoup plus marquée par la présence d'un accomplissement humain, d'une haute idée qu'on a de soi-même et qui impose des devoirs. Dans les deux cas, les devoirs, les règles sont aussi contraignants. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut avec l'éthique et on obéit à la loi générale avec la morale. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais certains contestent cette distinction en insistant sur le fait qu'il y a une totale continuité entre les deux. Mais l'individualisme en tant que tel ne sert pas à faire la différence parce que, vous voulez, l'individualisme peut être, on peut l'interpréter de manière moralement extrêmement exigeante quand on a une haute idée des devoirs qu'on se doit à soi-même et qu'on doit aux autres. Je ne pense pas que ce soit la notion qui fasse vraiment clivage. En revanche, cette différence d'action sur la loi, les règles d'un côté, et la complétude humaine, la qualité intrinsèque de la vie humaine comme vie morale, joue un rôle très important. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes plutôt pour une identification de ces deux termes l'idée qu'en dans les années 2000, on parle d'éthique et maintenant on parle plus de morale, eh bien ça ne change rien véritablement? Ou est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a une distinction entre les deux? Et alors effectivement, il y a un glissement, il y a peut-être un durcissement, une transformation en fait de notre rapport aux actes justes et aux principes. Je suis favorable à leur intégration, à leur articulation. Comment pourrait-il être autrement? J'ai consacré plusieurs, alors j'ose pas dire dizaines d'années de ma vie, mais c'est presque ça, à la morale qui nous a été vraiment donné, légué comme un don par la pensée antique, qui était précisément extrêmement attachée à cette idée de la complétude humaine, qui considérait que une part importante de la moralité se concentrait dans la capacité qu'avait l'âme humaine à maîtriser ses passions, à acquérir un idéal d'autonomie intérieure qui, d'une certaine manière, définit un espace de devoir, qui, évidemment, en rapport avec les normes communes et avec les devoirs que s'imposent les autres, mais qui est propre à la qualité de la personne. Ça m'a marqué de manière indélébile. Mais d'un autre côté, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui en particulier, nous sommes entrés, au moins depuis le XVIIIe siècle, depuis en quelque sorte que l'homme a pris la responsabilité du monde en congédiant Dieu, nous sommes entrés dans un monde où des règles communes, des règles collectives s'imposent, des règles qui ont leur légitimité propre. Donc je suis pour l'articulation entre les deux. Mais la raison pour laquelle souvent les penseurs contemporains écartent donc ce que j'ai essayé de caractériser comme l'éthique, c'est-à-dire des pensées morales qui sont plus centrées sur l'individu ou sur le bien, c'est parce qu'ils considèrent que elles ont tendance à imposer une vision unique du bien, comme s'il y avait un modèle de l'accomplissement humain qu'on considérait comme le seul digne de valeur morale et qui devait s'appliquer à tous. Tandis qu'avec les règles, d'une certaine manière, on est beaucoup plus libre de choisir le type de bien particulier que l'on poursuit. Alors ce reproche est en partie fondé, il est en partie infondé. Fondée parce que, bien évidemment, certaines conceptions centrées sur l'idée d'accomplissement humain imposent de fait une idée du bien comme attachée à la rationalité, du bien humain comme rattaché à la maîtrise des passions. Or, il y a certains individus pour qui, évidemment, le bien a tout autre sens. Et puis, il y a même des philosophies morales qui ont été construites sur d'autres idéaux. Mais d'un autre côté, il ne faut pas ignorer que ce bien n'est pas une collection de préférences. C'est pas moi j'aime ci, moi j'aime ça. C'est une exigence qui est presque une exigence formelle. Imposé à l'ordre de la vie humaine. Et par exemple, ça prendrait quelle forme ? Mais ça prend la forme suivante. Quelle est la question fondamentale que l'Antiquité grecque nous a transmise en matière de morale ? C'est quelle vie vais-je vivre ? C'est-à-dire que la question du bien humain ne peut pas se séparer de la question de l'ordre de la vie. C'est la question que pose Socrate d'une certaine manière et qui a été léguée en héritage à toute la philosophie morale ultérieure. Quelle vie est digne d'être vécue ? Et non pas vaincue, oui. Quelle vie est digne d'être vécue, c'est-à-dire, et pas vécue, quelle vie de plaisir ou de satisfaction, mais quel idéal moral intérieur je vais essayer d'atteindre dans la matière même de ma vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la matière même de ma vie ? Eh bien, ça veut dire l'épaisseur des situations, la détermination des choix, que vais-je choisir à chaque instant ? Comment vais-je justifier ce que j'ai décidé de faire ? Comment vais-je prendre en compte mon existence parmi multiplicité d'autres existences à l'intérieur d'une communauté politique, dans la poursuite d'un bien commun ? Ce sont toutes ces questions de facture de la vie, de comment je fabrique ma vie, qui sont pour les anciens les questions morales fondamentales. Et vous voyez que là, d'une certaine manière, on articule le bien. Il ne s'agit pas d'imposer une conception du bien, mais de poursuivre une sorte d'ordre intérieur de la vie qui rejoint tout de même les philosophies de la règle et du devoir. C'est moi, les thèses que j'ai essayé de défendre dans mon travail. Selon Daniel Macmillan, la destruction progressive des valeurs morales au cours des années 60, 70, 80 puis 90 était un processus logique et inéluctable. Après avoir épuisé les jouissances sexuelles, il était normal que les individus libérés des contraintes morales ordinaires se tournent vers les jouissances plus larges de la cruauté. Deux siècles auparavant, Sade avait suivi un parcours analogue. En ce sens, les serial killers des années 90 étaient les enfants naturels des hippies des années 60. On pouvait trouver leurs ancêtres communs chez les actionnistes viennois des années 50. Sous couvert de performances artistiques, les actionnistes viennois s'étaient livrés à des massacres d'animaux en public. Devant un public de crétins, ils avaient arraché, écartelé des organes et des viscères. Ils avaient plongé leurs mains dans la chair et dans le sang, portant la souffrance d'animaux innocents jusqu'à ses limites ultimes, cependant qu'un comparse photographiait ou filmait le carnage afin d'exposer les documents obtenus dans une galerie d'art. Cette volonté dionysiaque de libération de la bestialité et du mal, initiée par les actionnistes viennois, on la retrouvait tout au long des décennies ultérieures. Selon Daniel Macmillan, ce basculement, intervenu dans les civilisations occidentales après 1945, n'était rien d'autre qu'un retour au culte brutal de la force. Un refus des règles séculaires lentement bâties au nom de la morale et du droit. Actionnistes viennois, beatniks, hippies et tueurs en série se rejoignaient en ce qu'ils étaient des libertaires intégraux, qu'ils prônaient l'affirmation intégrale des droits de l'individu face à toutes les normes sociales, à toutes les hypocrisies que constituaient, selon eux, la morale, le sentiment, la justice et la pitié. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, un texte de 1998 dans lequel on vient d'entendre, interprété par Hélène Losseur, l'hypothèse Macmillan. Alors je précise que Daniel Macmillan est un procureur de l'État de Californie qui a écrit un livre qui s'appelle From Lust to Murder a Generation, qui décrit l'errance morale des générations américaines, donc des années 60 aux années 90. Et cette hypothèse, hein, citée par le personnage fictif donc de Michel Houellebecq, Bruno, permet de lui de décrire en fait une sorte de d'état général de l'époque qui serait caractérisé par son absence de morale. Mais attention, pas de la moralité, mais plutôt de l'immoralité. Donc, il y a effectivement la présence de la morale, mais sous sa forme négative. Est-ce que c'est cette situation-là, Monique Cantos-Perba, que nous vivons actuellement, à savoir une époque très morale, mais sous un versant négatif, ou très morale dans le sens en quête de morale, de valeurs positives qui nous réunissent? Non, je ne pense pas, mais j'aimerais ajouter qu'il n'y a rien de plus exigeant que la moralité, l'absence oui. de morale. J'espère que je ne choquerai pas les éditeurs, mais décider qu'il n'y a ni bien ni mal et vivre conformément à cela n'est pas une chose très facile. C'est plus facile finalement de suivre des règles qu'on a presque intériorisées, c'est ça? Parce que cela signifie... d'une certaine manière, assumer à chaque instant une forme de désarroi normatif, de désarroi existentiel. Quoi faire? La morale n'est qu'une question, au fond, on pourrait la résumer ainsi, sur les limites. Mais que vais-je faire? Que vais-je choisir? Vers où vais-je aller? Quand on décide qu'aucune de ces questions n'a de pertinence et qu'on est en quelque sorte lancé dans un vide d'action possible, enfin une multiplicité d'actions possibles sans aucun critère distinctif pour s'orienter, la capacité humaine à surmonter ce type de situation n'est pas si facilement donnée. Alors quand je dis sans critère pour s'orienter, en fait, vous me répondrez, mais il y a un critère, évidemment, c'est la maximisation du plaisir personnel. Et c'est évidemment la voie que suit ce texte. C'est-à-dire, il s'agit de maximiser le plaisir. Or, je recommanderais à l'auteur de ce texte de relire le Philebe de Platon, parce que là, Platon étudie le cas de manière très précise. Ah, tu veux consacrer ta vie à multiplier les plaisirs, à aller jusqu'à l'extrême des plaisirs, mais en fait, tu n'auras rien d'autre que la jouissance qu'on éprouve à se gratter en permanence pour soulager une insatisfaction qui est en soi. Et Platon analyse avec une virtuosité extraordinaire combien cette poursuite effrénée du plaisir amène d'une certaine manière le renversement, le dégoût, l'impossibilité à satisfaire. Elle ne fait que combler un vide qui ne cesse de se creuser d'une certaine manière. C'est pas tout à fait ce que les Grecs considéraient comme l'ordre intérieur de la vie humaine, ça va de soi. Mais d'un autre côté, ce qui me frappe le plus dans l'extrait que j'ai entendu, eh bien, c'est le fait que, La seule signification morale, en fait, c'est le plaisir et la souffrance. Parce que cette souffrance que l'on donne en spectacle, c'est une souffrance animale. Ça veut dire qu'on fait l'hypothèse que les animaux ne souffrent pas. Mais les actionnistes viennois n'ont pas été, semble-t-il, les premiers à la faire. Cette hypothèse, Descartes l'avait déjà faite. Ou plutôt, on suppose qu'il souffre et qu'on va jouir en fait de la souffrance de l'autre pour nier ses valeurs, une valeur entre le plaisir et la souffrance. Mais qu'est-ce qu'on nie en jouissant de la souffrance des autres en fait ? On ne nie rien du tout. Enfin, à mon sens, en tout cas, on affirme qu'il n'existe pas une barrière morale qui est du type ne pas causer délibérément la souffrance d'autrui. Mais là, il s'agit de la souffrance d'un animal. Il en serait tout autrement, évidemment, s'il s'agissait de la souffrance d'un humain. Parce que là, ce qui est tout à fait frappant dans cette mise en scène, et d'ailleurs, c'est des artistes qui l'ont réalisé, c'est le fait que c'est donné à voir. Donc, il y a une exhibition, une forme de l'obscénité caractéristique. C'est le spectacle de cela qui est extrêmement choquant. Mais d'une certaine façon, je ne pense pas que les actionnistes viennois avaient d'autres repères moraux que nous. Simplement, ils voulaient donner en spectacle ce qui était, selon eux, la limite l'exhibition de la souffrance, s'ils avaient et de ce qui était toléré dans la société, parce que s'ils avaient été interdits par la loi, ils l'auraient évidemment pas fait. Donc il y a d'un côté ce que vous dites, Monique Cantos-Perber, à savoir que le désarroi moral, finalement, dont on peut désespérer à certains moments, n'est jamais aussi présent qu'il n'y est. C'est-à-dire que, comme vous dites, il est très difficile d'agir sans morale. Donc le désarroi moral n'existe pas vraiment, et en même temps, ce genre de spectacle des actionnistes viennois est une manière aussi quand même de mettre à l'épreuve certaines règles qu'on s'est imposées. Donc il y a toujours cette mise en question en fait de la morale. Et encore aujourd'hui, quelles valeurs nous rassemblent, quelles valeurs sont en concurrence? On va avoir des valeurs que certains vont proposer, auxquelles ils vont être attachés, d'égalité, de justice, d'autres va être plutôt des valeurs d'ordre, d'intérêt personnel, ce n'est pas moins des valeurs. Donc est-ce que c'est pas ça aussi que ce texte dit finalement? C'est que l'absence de transcendance qui va fournir des règles très claires pour tous nous livre en fait à une forme de relativisme, ou une forme de non pas de désarroi, mais de concurrence des valeurs. Alors, il y a plusieurs manières de nier les valeurs. Hein. Il y a ce que vous avez appelé le désarroi, mais il faut l'entendre comme un état totalement construit, pas comme un état subi. On tombe dessus, oui. Ça dépend. Quand on décide qu'il n'y a pas de valeur, enfin, on peut le prendre de manière très active. Je décide ni bien ni mal. À chaque fois, je m'orienterai en essayant de faire abstraction de toute espèce de considération de ce type. C'est pas une attitude facile à tenir. Mais non, parce que même, évidemment, je vous interromps juste, Monique Cantos-Perber, par rapport à cette hypothèse, parce que de toute façon, quand j'agis bien en vue d'une finalité qui, a priori, pourrait me correspondre. Oui, mais donc si vous faites l'hypothèse qu'il n'y a ni bien ni mal, voilà, si vous voulez, vous n'avez plus cette ressource. Alors, par ailleurs, il y a le désarroi moral subi, et c'est peut-être à cela que vous faites allusion, qui est en effet plutôt la désorientation. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. On est à la recherche d'une sorte de quête, et avec un monde qui offre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, des situations qui sont souvent plutôt confuses moralement et pas du tout claires, où ce qu'il faut faire n'apparaît pas de manière évidente. Mais ce qui me frappe dans l'époque d'aujourd'hui, c'est que il y a tout de même un très grand respect des règles collectives. On peut, en tout cas, un respect affiché. Il est très important, même d'une certaine manière, d'afficher son conformisme de l'entreprise qui doit mettre en avant un certain nombre de valeurs ou de messages qui montrent qu'elle est tout à fait conforme à ce qu'on attend aujourd'hui d'une entreprise responsable. D'ailleurs, cette omniprésence du terme de responsabilité est en phase avec cela, jusqu'à l'individu, même sans engagement particulier. Alors, bien sûr, ça, c'est pour la déclaration publique, mais il y a une exigence de conformité aux valeurs, aux normes, aux règles qui est très grande. Ensuite, chacun fait son petit arrangement personnel, évidemment, pour reprendre l'histoire de l'analogie geste, quand on ne voit pas ce que je fais, je suis relativement libre de mes actions. Mais j'insiste quand même beaucoup sur le fait que cette exigence de conformité morale a peut-être aussi un effet causal, parce que même s'il s'agit d'hypocrisie, l'hypocrisie finit par avoir un effet réel. À force de déclarer publiquement des valeurs, et bien on finit par agir conformément à ces valeurs. Ça, c'est une caractéristique de l'époque. En revanche, la contrepartie, c'est que, au fond, il y a très peu de réflexion sur le contenu de ces valeurs. Il y a une sorte de mimétisme collectif. L'adhésion inconsciente. Sur le fait qu'évidemment, il faut sauver la planète, ça va de soi. C'est une obligation, ça ne se discute même pas. Il faut respecter autrui et effacer toutes les formes de domination. Mais il y a très peu de réflexion sur le caractère nécessairement ambivalent, complexe, qui s'attache à chacune de ces valeurs, parce que on le voit quand se pose la question des conséquences. Sauver la planète, bien sûr, mais quelle échéance, quel sacrifice, quelles conséquences, quelle contrepartie. Il n'y a pas dans les choix moraux et la réflexion qui conduit à une décision morale. N'est pas quelque chose d'une certaine manière de programmable. Il y a des chemins de délibération extrêmement complexes et des pondérations, des arbitrages constants. Ça exige une réflexion de fond sur ce qu'est la complexité de l'action dans le monde contemporain, qui est peut-être un peu ignorée, parce qu'elle est très, au fond, elle est très désespérante. Il n'y a pas de chemin simple pour se comporter de façon admirable. Mais cette question de la réflexion sur le choix, l'action, la délibération, enfin, ce qui constitue en fait un acte moral, est-ce qu'elle doit avoir lieu en chaque individu ou à un niveau politique? Pour vous répondre à cette question, Monique Cantos-Perber, je vous propose d'écouter tout de suite une archive. C'est le premier jour de la guerre en Ukraine et comme l'écologie se pose la question, effectivement, non pas seulement géopolitique ou politique, mais de la morale. Bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, évidemment, la guerre en Ukraine lancée dans la nuit par le président russe Vladimir Poutine. Des bombardements touchent toutes les grandes villes du pays, des bombes sur le port d'Odessa, sur la mer Noire. C'est à moins de 300 km des frontières de l'Union européenne. Des explosions également entendues à Kiev, la capitale ukrainienne, et près des territoires séparatistes pro-russes du Donbass. C'était le 24 février, c'était donc il y a 4 mois, Monique Cantos-Perber, la guerre en Ukraine commençait, ce qui nous met dans cette situation non pas seulement politique ou géopolitique, comme je disais, mais aussi morale. Que faire face à ce déchaînement de violence? Est-ce qu'une réflexion morale sur la violence se joue seulement en son fort intérieur, en tant que citoyen européen, ou est-ce que ça se joue forcément à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau des institutions? Les deux, évidemment, mais d'abord, le premier devoir, c'est un devoir de lucidité. La morale est un extraordinaire appareillage, si je puis dire, conceptuel, qui nous oriente dans la vie et qui sans doute donne beaucoup plus de valeur à nos actions et à nos relations avec autrui, à la vie dans la communauté. Mais la première exigence de la morale, c'est de ne pas nier la réalité, c'est de ne pas reconstruire la réalité selon ses souhaits. La réalité est violente, elle résulte d'interactions humaines qui sont pour la plupart d'entre elles guidées par autre chose que des objectifs moraux. Donc d'abord qualifier ce qu'on a décrit dans l'archive que nous venons, ce qui a été décrit dans l'archive que nous venons d'entendre, c'est-à-dire un acte de pure agression. Depuis l'Antiquité, enfin depuis saint Augustin, puisque c'est une notion issue de la tradition chrétienne, la notion de guerre juste a essayé en quelque sorte de donner alors je ne dirais pas une légitimité à la violence et à l'usage de la force, mais à définir les règles qui pourraient rendre légitime l'usage de la force. C'est ce qu'on a appelé le droit de la guerre ou l'idée d'une guerre juste, c'est-à-dire d'un usage juste, justifié de la force, avec ce que ça supposait de légitimité dans les raisons de commencer la guerre, le jus ad bellum, et la légitimité dans les moyens de la faire, le jus in bello. Là, d'une certaine manière, toutes les cases sont cochées de l'illégitimité. Rien n'a été fait pour essayer de prévenir la guerre. C'est un pur acte d'agression qui ne répond à aucune nécessité d'autodéfense en dépit de cette fable d'un génocide qu'il faudrait éviter. Et les moyens utilisés sont les moyens qui sont les plus épouvantables dans tout le droit de la guerre, c'est-à-dire le meurtre délibéré des civils. Parce que quand on envoie des missiles sur une ville, c'est évidemment pour tuer des civils. Donc là, première étape de la réflexion morale, l'analyse des faits, un pur acte d'agression. Ensuite, que répondre et comment essayer de limiter ce recours déchaîné à la force que rien ne justifie. Alors, vous évoquez les institutions internationales. Ben, jusqu'à présent, on a constaté des institutions supra-étatiques, je dirais, on a constaté leur efficacité pour ce qui avait trait aux mesures de rétorsion, mais elles ne sont pas arrivées à mettre un terme à la guerre. Ce qu'on peut mettre à leur crédit, de manière générale, c'est d'avoir justement qualifié les faits, de n'avoir pas utilisé des euphémismes qui étaient destinés, d'une certaine manière, à excuser une éventuelle inaction. Les faits ont été qualifiés de manière précise, comme un crime d'agression d'un État contre un autre. Mais il reste que comment lutter concrètement contre cela. Évidemment, ça entraînerait des conséquences, c'est-à-dire se mettre dans un statut de co-belligérant, ça entraînerait des conséquences que pour l'instant, aucun État, aucune organisation ne sont prêts à assumer. Donc cette question de comment agir moralement, là dans le cas qui s'est imposé cette année avec la guerre en Ukraine, nous laisse quand même dans une certaine forme d'impuissance. C'est-à-dire que d'un point de vue individuel, la guerre en Ukraine, depuis la France, est vue comme une horreur qui nous laisse profondément impuissants et on aura beau bien qualifier les faits, avoir une analyse lucide de la situation, en termes d'action, rien ne pourra être entraîné. Ça n'entraîne pas une délibération, ça n'entraîne pas non plus une action. Alors est-ce qu'il faut véritablement parler de morale face à ce surgissement d'une violence illégitime ? Premier point, c'est que la qualification des faits, elle est ouverte à la discussion. Du côté des institutions internationales, ça a été tout à fait net. Et évidemment, je partage absolument cette analyse, mais je respecte les opinions de ceux qui ne sont pas, qui ont une vue différente. Et certains considèrent que il est légitime autour d'une grande puissance, surtout qui possède l'arme nucléaire, de préserver une sorte de zone d'influence et que l'Europe, par exemple, et l'OTAN ont joué un jeu dangereux en essayant de limiter cette zone d'influence et que d'une certaine manière, en agissant comme elle a agi, la Russie récupère de manière légitime, donc selon ceux qui défendent cette vue, ce qui lui appartient. Évidemment, ce n'est pas du tout mon point de vue, mais je respecte les points de vue opposés. Ce n'est pas du tout ce qui a inspiré l'analyse des institutions internationales que vous avez citées qui ont été citées jusqu'à présent. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. Regardez les ONG, les individus qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés, pour faciliter le fait qu'ils puissent reprendre une vie normale, les familles françaises qui accueillent des enfants ukrainiens et qui les aident à poursuivre leur scolarité, tout ça, ce sont des actes qui sont d'une valeur extrême et qui sont en grande partie inspirés par la volonté d'aider, la volonté de minimiser le mal que cause la guerre. Et d'une certaine façon, on pourrait considérer, c'est une question qui se pose toujours dans un conflit, est-ce qu'il faut aider en particulier un des belligérants de telle sorte que, l'aider massivement de telle sorte que la guerre se termine vite, ou est-ce que l'aider a pour conséquence malheureuse que la guerre, qu'il perdra probablement, dure beaucoup trop longtemps. Ce sont ces questions... C'est un dilemme moral, proprement. C'est une question morale, quand même, parce que la guerre telle qu'elle est menée aujourd'hui, c'est quand même une guerre qui affecte massivement les populations civiles. Au moment où le droit de la guerre a été élaboré, bien sûr, il s'agissait de protéger les populations civiles, d'évacuer les villes autour desquelles un siège s'installait. Mais à l'époque, si vous voulez, la guerre était presque un rituel. Il y avait des trêves, on faisait la guerre quelques semaines par an. Tout ça obéissait à... Un code à des usages. Ça n'a rien à voir avec les guerres de masse, avec une utilisation sans limite des armements, une mobilisation massive de la population. Nous sommes entrés, depuis le XXe siècle d'ailleurs, dans une toute autre conception de la guerre, avec cet attachement de la guerre à la défense de la nation, qui évidemment justifie que tous les moyens soient utilisés, c'est ce qui se passe du côté ukrainien, mais aussi la guerre se retrouve avoir des buts moraux. On fait la guerre pour établir le bien. C'était pas vraiment le cas autrefois. On faisait la guerre pour installer sa puissance, pour récupérer, conquérir des territoires, pour installer une influence. Mais l'idée que la guerre se fait dans un but moral, et ça a été d'une certaine manière la caractéristique nouvelle de la Seconde Guerre mondiale, est quelque chose qui nous place dans une configuration à la fois intéressante mais aussi dangereuse. Parce que quand le but est moral, il y a quand même une sorte d'invitation au caractère illimité des moyens de faire la guerre qui seront utilisés. Un des grands enjeux aussi, Monique Cantos-Perber, de notre époque, qui soulève des enjeux moraux, il y a la guerre et puis il y a aussi la liberté d'expression. Ce chien abattu par la police, est-ce que la police a eu la bonne réaction? Vous avez vos petites pancartes et je sais que là-dessus, vous êtes très, très divisé et très chaud. Regarde. Elle est en train d'être mordue, là, la nana. Obligé. Il l'a chopé. Juste, il est en train de la bouffer. Je sais pas ce que j'aurais fait. On peut pas laisser Delphine. On peut pas. Ce que je veux expliquer, c'est que j'ai eu le cas. Mes voisins ont pris un chien de catégorie qui était un chien méchant. Il était toujours avec la muselière. Il voulait bouffer tout le monde et tout machin. Je leur expliquais le béaba avec un chien. En 6 mois, j'ai rendu ce chien fantastique. Bah, t'avais 6 mois, là? Mais oui, on a le problème, mais d'accord, je vais juste vous expliquer le truc. En 6 mois, je l'ai rendu fantastique. Donc, moi, ça me fait mal au cul que les gens n'apprennent pas à éduquer leur chien. Et ils disent que c'est un chien méchant. Alors voilà, c'était un extrait de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. C'est une archive assez récente, Monique Cantos-Perber, qui date du 7 avril 2022. Donc le débat qui oppose les différents chroniqueurs de cette émission, c'est pour ou contre abattre un chien dangereux et pour ou contre, en l'occurrence, l'abattage d'un chien en particulier par la police. Et on a entendu cette chroniqueuse, Delphine Vespizer, qui, pour le coup, s'opposait à cet abattage. Alors, cet extrait est... assez court, mais en fait, il paraît assez anecdotique, mais en fait, il pose tout un tas de questions. Déjà, est-ce que tout sujet est bon pour le débat? Ensuite, la tonalité très émotionnelle, émotive, est-ce que ça constitue véritablement, en fait, une question de liberté d'expression et vraiment un jugement moral? Et puis enfin, qu'en dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit s'exprimer de manière tout à fait libre ou est-ce qu'en fait, on doit quand même suivre un certain nombre de règles et par exemple, laisser parler les autres, prendre la parole tranquillement? Est-ce que là, il y a un certain nombre de règles à suivre pour un bon débat et pour une bonne liberté d'expression? Il est vrai que ce qui était très intéressant dans ce débat, c'est d'une certaine manière le fait que personne n'écoutait les arguments des autres. Oui. Mais malheureusement, c'est bien caractéristique de la manière dont nous parlons à notre époque. C'est-à-dire qu'on essaie d'occuper le terrain avec son opinion et ce que les autres racontent est au fond un mauvais moment qu'il faut accepter de passer. L'idée qu'on pourrait trouver dans les oppositions et dans les opinions différentes des siennes, des éléments qui pourraient enrichir son propre point de vue, semble avoir disparu. Alors, est-ce que tous les sujets sont dignes de discussion? Je vous citerai la fameuse formule venue de l'Antiquité, même les dieux sont assis sur le seuil de la cuisine. Et Socrate disait, mais il existe peut-être une idée de la poussière, une idée de la saleté, une idée, c'est-à-dire un concept intellectuel de la poussière et de la saleté. Bien sûr, tous les sujets sont dignes d'être discutés. C'est pas le sujet en tant que tel qui importe, c'est la manière dont on en parle et ce qu'on en tire. Ça, c'est à l'intelligence humaine et à la vertu de perfectionnement collectif du débat. Parce que, si vous voulez, au fond, la chose le souhait que je formulerai à l'égard de notre époque, il est très simple, c'est que la conversation humaine continue. C'est-à-dire que nous continuions à souhaiter rencontrer des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, que nous acceptions de les écouter, que chacun ait la certitude, un jour ou l'autre, de se retrouver face à son diable. Et j'appelle diable celui qui défend une opinion complètement contraire à la sienne. Parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est ça qui est excitant, c'est ça qui vous donne d'abord des moyens d'être plus, de mieux justifier vos propres opinions, mais c'est cela qui vous donne l'énergie, si vous pensez qu'elles sont bonnes, et en particulier pour des convictions morales, si elles sont solides, c'est ça qui vous donne l'énergie de continuer à les défendre. Parce que, comme disait John Stuart Mill, si tout le monde est d'accord, eh bien tout le monde s'endort, il n'y a plus de sentinelle, on n'est plus à son poste pour essayer de défendre ses convictions, d'être sans cesse confronté à l'adversité, c'est absolument essentiel pour les garder vivantes. Alors évidemment, on ne peut pas tout dire au sens où on peut tout dire à titre de capacité de prolifération, notre société, en particulier tout l'appareil de lois extrêmement complexe qui s'est construit à partir de la loi de 1881, la loi sur la presse, criminalise un certain nombre d'expressions de la parole, diffamation, propos racistes, sexistes, antisémites, etc. Donc les choses sont bien quadrillées, mais bien quadrillées, en tout cas elles sont quadrillées avec de nombreuses disputes quant à leur interprétation, mais il reste qu'en dehors de cela, oui, on peut tout dire, et j'ajouterais même, oui, il faut tout dire, y compris la transgression et la provocation, si elle n'est pas contraire à la loi. Parce que ce que j'observe aujourd'hui et que j'ai essayé d'analyser, que j'ai analysé dans le livre que vous avez cité, Sauver la liberté d'expression, c'est la caractéristique de notre époque, selon moi, à savoir d'un côté un usage totalement désinhibé de la parole, où on pourrait tout dire, avec des propos qui sont à la limite du racisme et de l'antisémitisme, mais qui au fond n'invitent pas du tout au débat. Il consiste à dire, voilà, je vais vous dire ce que tout le monde pense, que personne ne dit, suivi de, maintenant taisez-vous parce que c'est ça la vérité. Ce qui est totalement inadmissible, évidemment, et fortement contestable. Et de l'autre côté, une génération de nouveaux censeurs qui veulent imposer à tout le monde là, juste ce qu'il faut dire, et ce qu'on doit dire et ce qu'il faut taire, et qui refusent toutes les opinions qui ne seraient pas en phase avec bien des idéaux, alors pour le coup moraux au sens de moralisateur, de la génération je ne vais pas incriminer une génération, de l'époque d'aujourd'hui. Donc c'est à la loi de définir les règles de l'usage de la liberté, les règles d'usage de la liberté d'expression, ce n'est pas à des groupes aux valeurs tout à fait respectables, bien sûr, mais ce n'est pas à eux d'imposer leur loi privée sur les règles de la parole et sur ce qu'il faut dire et ce qu'il faut taire. Alors vous avez à juste titre, Monique Cantos-Ferber, rappelé l'importance de la loi quant aux limites de la liberté d'expression, mais il y a aussi ce qu'on appelle maintenant un tribunal populaire, où effectivement on peut être condamné sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, pour avoir tenu tel ou tel propos. Alors, ça ne tombera pas sous le coup de la loi, mais en revanche, une question de réputation, de représentation, de liberté sera entachée. Et on voit bien aussi, et ça me permet de revenir sur cet extrait de « Touche pas à mon poste », la dimension, la prépondérance de l'émotion dans ce genre de cas. Est-ce que l'émotion, c'est un passage obligé pour justement développer un rapport, un jugement de l'ordre moral? Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'au contraire ça entrave un jugement moral? L'émotion est tout à fait nécessaire à la moralité. Il serait difficile d'ailleurs d'imaginer une morale complètement dépassionnée qui appliquerait des règles selon les cas. Mais l'émotion n'est pas pour autant garante de justesse. Il peut y avoir des émotions, agir penser uniquement selon ses émotions serait une voie sans issue. Cela dit, l'émotion est un très bon révélateur. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes des êtres humains avec des sentiments, des désirs, des pensées, des motivations à agir. Et la morale, d'une certaine manière, les règles morales émergent de ces différentes composantes de l'individualité humaine. Et l'émotion est parfois un révélateur extrêmement intéressant, un indicateur du fait que quelque chose ne va pas dans une situation. L'indignation que nous éprouvons spontanément, avant même d'avoir réfléchi au caractère de la scène qui provoque notre indignation, la compassion, le sentiment que ce n'est pas possible, tout ça ce sont des guides, des signaux d'alerte qui éveillent et qui enclenche un certain travail de l'intelligence et de l'analyse, qui le met dans une certaine perspective. Alors évidemment, il faut absolument s'appuyer sur cette force de l'émotion. Elle est absolument nécessaire à la réaction et au jugement moral. Mais il ne faut surtout pas s'y limiter et il faut s'arranger pour avoir toujours une attitude distanciée à l'égard de cela. Alors comment on fait pour s'en détacher ? Parce que l'émotion ne prescrit pas une règle d'action. L'indignation est une très bonne chose, mais une indignation sans objet, qui serait là comme une attitude de demande de justice, qui pourrait aboutir à des excès aussi terribles que les situations que présentent des situations qui l'ont suscité, ce serait totalement inadmissible. Donc, comment se fait cette régulation de l'émotion ? Eh bien, si vous voulez, c'est un exercice. Il ne faut pas croire que la moralité est une chose donnée. Nous ne cessons d'exercer notre sens moral ou notre capacité de réaction et la vie nous fournit sans cesse, de manière ininterrompue, des situations où exercer ce sens moral. Et nous l'exerçons en réfléchissant, nous l'exerçons en discutant avec les autres, nous l'exerçons en regardant ce que nous avons fait, en nous disant « mais pourquoi ai-je mal agi là ?» Qu'est-ce qui n'allait pas ? C'est un système d'ajustement, de perfectionnement, de tout ce qui nous permet de recevoir, je dirais, les inputs des situations et les inputs moraux, un exercice à la fois de l'émotion, de la sensibilité et surtout de l'intelligence qui nous permet, dans une situation complexe, de percevoir les traits moralement saillants, comme on dit en philosophie, les traits qui ont une véritable pertinence morale, alors que d'autres l'ont moins, c'est-à-dire ceux qu'il faut préserver. Je pense, et là c'est mon héritage grec d'une certaine manière, en tout cas philosophiquement parlant, le fait d'avoir une certaine idée de soi-même, de ce qu'on ne peut pas faire, est aussi un bon guide. Vous voyez, Aristote insistait beaucoup sur ce travail constant que nous terminons qu'au moment de notre dernier souffle, du perfectionnement de notre système de compréhension, de détection, de sensibilité morale. Alors évidemment, il est en grande partie orienté et guidé par des règles communes, mais il est aussi l'affaire de chacun. La morale est un travail constant, il ne faut jamais se reposer. Et toutes les expériences humaines, celles que nous observons autour de nous, les conversations, les films, les romans, toutes les situations dont nous entendons parler, l'actualité, tout cela est une matière qui ne cesse de nous inciter à perfectionner cette perception. J'aimerais maintenant, Monique Antos-Ferber, vous soumettre un dernier cas pratique, on pourrait dire, un dernier enjeu moral de notre époque, c'est celui des robots. Pendant que la police à cheval chargeait contre les mineurs et que dans tout le pays, les petites villes industrielles entamaient leur longue et triste décadence au nom du libre-échange, la question de l'éthique des robots était née. Les multinationales de l'automobile consultaient des spécialistes d'éthique médicale, des théoriciens du jeu, des commissions parlementaires. Puis, dans les universités et les instituts de recherche, la question prit d'elle-même de l'importance. longtemps avant que les machines soient disponibles, les professeurs et leurs post-doctorants créèrent des logiciels qui reprenaient ce que nous avions de meilleur. Tolérance, ouverture d'esprit, attention à autrui, absence de toute trace de calcul, de méchanceté ou de préjugé. Les théoriciens tablaient sur une intelligence artificielle raffinée, guidée par des principes bien conçus et qui apprendrait en se confrontant à des milliers, voire à des millions, de dilemmes moraux. Une telle intelligence pourrait nous enseigner comment nous conduire, comment être bon. Les humains étaient éthiquement défaillants, inconsistants, émotifs, sujets à la mauvaise foi, à des erreurs cognitives, souvent pour servir leurs propres intérêts. Longtemps avant qu'il y ait une batterie à la fois assez légère et puissante pour alimenter un humain artificiel, ou le matériau élastique pour fournir à son visage un éventail d'expressions reconnaissables, il existait des logiciels pour le rendre sage et bien intentionné. Avant que nous ayons construit un robot capable de se baisser pour nouer les lacets d'un vieillard, il y avait un espoir que nos propres créations puissent expier nos péchés. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. C'était un extrait, ce n'est pas Adèle Van Rett, c'est Géraldine Mosna-Savoie, mais c'est pas grave, c'était un extrait du roman Une machine comme moi de Ian McEwan, donc qui date de 2019. On entend dans ce texte, Monique Cantos-Perber, la question qui se pose quand même depuis quelques années, à savoir en fait la concurrence entre les humains et les robots, ce qui pose quand même ce problème en termes moraux de la responsabilité. Et si finalement toutes les délibérations, toutes les réflexions que je pouvais avoir sur mes actes moraux, de toute façon, ne servaient à rien parce qu'en fait, il y a d'autres êtres qui vont me concurrencer. Alors, j'hésiterais quand même à parler d'êtres, enfin des entités, oui. Disons tout à fait. D'individus, vous préférez. Mais, d'ailleurs, un très bon exposé et dans une situation humaine tragique de la question que vous posez se trouve dans le dernier roman de Ishiguro, Clara et le soleil, qui est à cet égard extrêmement troublant. Mais il est évident que pour certains choix, où il s'agit de maximiser les possibilités, c'est-à-dire si je choisis la voie A, il y aura, selon ce qui est prévisible, telle conséquence. Si je choisis la voie B, il y en aura une autre série de conséquences. On peut imaginer, en effet, des algorithmes ou une programmation de robots qui permettent de choisir de manière optimale. Donc, sur certains aspects de ce qui fait la délibération morale, le raisonnement pratique, c'est-à-dire la rationalité en situation, avec face à des contextes particuliers, certains robots peuvent parfaitement faire l'affaire. Tout de même, je suis très frappée dans ce texte par le fait que les émotions qui jouent un rôle fondamental, précisément parce qu'elles sont le bon détecteur, au fond peuvent être, dit le texte, imitées. Mimer, on peut faire en sorte que les expressions faciales qui correspondent à les émotions jouent exactement le même rôle. C'est possible, je doute que ce soit le cas, mais enfin, il faudrait évidemment expérimenter tout cela. En revanche, une dimension qui est pour l'instant assez inaccessible aux robots et qui est vraiment essentielle pour la délibération morale, c'est la perplexité initiale, c'est le doute, c'est l'incertitude. Quand on a l'impression que tout ce qui devrait s'appliquer, toutes les règles que nous avons apprises qui devraient s'appliquer à cette situation, eh bien, ne s'applique pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette dimension est absente. De même que, au fond, ce qu'Aristote appelait la catharsis de l'émotion. Comment un certain, le fait de vivre à fond quelque chose peut nous en libérer. Ça aussi, ce sont des ressources morales. Alors, je voudrais juste, pour dire un mot très rapidement sur cette question, deux éléments sont très fondamentaux aussi dans la réflexion morale, et là, il faut se tourner vers la littérature pour en avoir l'évidence, c'est le rôle que jouent toutes les... toute la perspective de la personne, ce que la personne est. Au fond, ça me paraît un des guides essentiels dans l'époque d'aujourd'hui. Rappeler la nécessité de cette construction intérieure de soi, parce que c'est un élément pour le jugement qui est extrêmement précieux et irremplaçable. Merci beaucoup Monique Cantos-Perber. Alors de vous, on peut lire « Sauver la liberté d'expression », c'est paru aux éditions Albin Michel, « L'idée de guerre juste », paru aux éditions PUF, et puis aussi « La philosophie morale » aux éditions Que sais-je, « Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale » aux éditions PUF. Grand merci à vous. Shirt now, red, my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi imagine-t-on la fin du monde ? Il y a un thème qui hante l'histoire de la philosophie pour des raisons peut-être plus précises qu'elles n'en ont l'air et par opposition à d'autres idées qu'il ne faut pas confondre avec elles, mais qui prend surtout aujourd'hui une portée très concrète, de manière inattendue, c'est la notion ou l'idée ou l'imagination de fin du monde. La fin du monde, ça a toujours été une représentation pour les humains. La fin de, non pas de tout en général, non pas non plus de chaque être humain individuellement sous le signe de la mort, mais la disparition de conditions d'ensemble de notre vie, de ce qui donne sens à nos vies collectivement, ce qu'on appelle le monde. Les représentations de la catastrophe, de ce que les textes bibliques appellent l'apocalypse. Dans chaque religion, il y a cette représentation de la fin de l'ensemble de ce qui donne sens à nos vies, de ce qu'on appelle la fin du monde. Et c'est comme si notre religion, notre philosophie ne pouvait pas se passer de cette idée peut-être illusoire mais qui nous hante comme un problème. Emmanuel Kant, dans sa critique de la raison pure, faisait de l'image du début du monde ou de la fin du monde, ce par quoi notre raison dépasse les limites de l'entendement, mais de manière inévitable. Un piège, en quelque sorte, dans notre imagination, qui nous entraîne aussi vers parfois des actes catastrophiques. Les apocalypses, parfois, par leur imagination, amènent à se réaliser, et l'imaginaire de la fin du monde est parfois lui-même destructeur de certains mondes. Mais aujourd'hui, la question de la fin du monde semble devenir beaucoup plus concrète. Sous le signe des catastrophes climatiques, redoublées aujourd'hui par les catastrophes sanitaires et par d'autres, eh bien, beaucoup d'humains se représentent concrètement la fin du monde concret, encore une fois, qui est aujourd'hui la condition de notre vie. Pourrait-il y avoir la fin de la vie sur la planète ? Pourrait-il y avoir la fin de la planète elle-même ? Par exemple, en appuyant sur un certain petit bouton rouge nucléaire qui nous a amenés à nous représenter concrètement la fin de la vie sur la Terre. Et oui, en effet, la fin du monde prend aujourd'hui un sens très concret et peut-être faut-il craindre ce devenir concret aujourd'hui de l'imagination de la fin du monde. Comme si ce n'était plus une sorte de problème métaphysique où la vie dans son ensemble se représentait comme terminée, alors que aussi nous la dépassons immédiatement dans l'interminable, mais aujourd'hui, véritablement, une crainte concrète qui peut neutraliser, vider de leur sens toutes nos actions individuelles, car si la fin du monde est proche, si elle est possible, comme dans certains films qui sont des films catastrophes, des scénarios catastrophes, alors notre vie dans ces conditions générales garde-t-elle son sens ? Mais la fin du monde, ce n'est jamais seulement la fin de la Terre, c'est la fin du monde humain, de ce qui donne sens à nos vies. Chaque mort est la fin d'un monde. Derrida le disait très bien dans un livre admirable d'éloges funèbres, à chaque fois unique, la fin du monde. Oui, nous pouvons donner à la fin du monde un sens qui motive notre action, car ce n'est justement plus une idée abstraite, mais un ensemble de dangers concrets contre lesquels chacun de nous doit lutter.